بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ceci est une série de rappels, inshallah, tiré du livre de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, الداء والدواء, la maladie et le remède. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله دواء العي السؤال. Le remède de l'ignorant, c'est la question, c'est de questionner. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. Il dit, et ceci englobe, donc le fait que le remède de l'ignorant, c'est la question, il dit, ceci englobe, d'accord, les maladies du cœur, de l'âme et du corps, d'accord. وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْجَهْلَ دَاءَ. Et le prophète Mohammed صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ a exposé que l'ignorance est une maladie. D'accord ? L'ignorance est une maladie. وَجَعَلَ دَوَاءَهُ سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ. Et il a fait que le remède de cette maladie qui est l'ignorance, c'est de questionner les savants. فَرَوَى أَبُو دَوُودَ فِي سُنَنِهِ. Donc Abu Daoud rapporte dans ses sunan, min hadith Jabir bin Abdullah, qala, kharajna fi safar, fa asaba rajulan minna hajar, fa shajjahu fi ra'sih, thumma ihtalama, fa sa'ala ashabahu, fa qal, hal tajiduni li rukhsa fi tayammum, qalu, ma najid laka rukhsa, wa anta taqdir ala al-ma'. فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شكموس على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. Donc Jabir رضي الله عنه, qu'Allah soit satisfait de lui, relate: alors que nous étions en voyage, l'un d'entre nous fut blessé à la tête par une pierre. Après avoir éjaculé durant son sommeil, il demanda à ses compagnons. C'est parce qu'il a, il s'est endormi et il a eu un rêve érotique, d'accord ? Et il a éjaculé. Donc il a demandé à ses compagnons, pensez-vous que j'ai le droit de recourir aux ablutions sèches, faire le tayammum ? Ils dirent, nous ne voyons pas que tu en aies le droit, alors que tu peux utiliser l'eau. Alors il se lava et mourut. Quand nous sommes retournés chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a appris cela. Il dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé s'ils ne savaient pas? Le remède à l'ignorance n'est autre que la question. Il lui suffisait de se purifier avec la terre, puis d'enrouler un tissu autour de sa blessure, de passer la main dessus et de laver le reste de son corps. Ensuite, il dit, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a informé que l'ignorance est une maladie et que son remède, c'est de questionner, il y en a questionné, bien sûr, hein, les savants. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.